massage, écrit et narré par Mia alias Mia QC. Cthulhu masse doucement mon dos et je gémis alors que sa grosse bite entre et sort de mon trou du cul.